chasse, mais la faim. D'une pente sous zéro, d'une pente sous zéro, il revient le lâche. Me dérape à son glisse escalier Nantes marche. Mauvais pas, fausse piste, mauvais pas, cicatrice. Basistas n'a pas dormi. Basistas, c'est ici. Basistas n'a pas dormi. Acharné comme je tente de ne pas céder la ligne. Corde humide coupante, tirait d'espoir indigne, tirait d'espoir indigne. Suivre le couloir, soir malade, dérisoire. Basistas, c'est ici. Basistas, c'est ici. Basistas, allée de nuit. Basistas n'a pas dormi. Basistas, c'est ici. Basistas n'a pas dormi. Basistas n'a pas dormi. Basistas, Basistas n'a pas dormi. Basistas, Basistas n'a pas dormi. Basistas, œil de nuit.